Le désert respire, ancien et vivant. Le silence parle aux âmes prêtes à entendre. Le vent transporte les prières oubliées. Sous la lune pâle, le rite commence. Le sable efface les faibles. Il honore les forts. Un murmure, le nom oublié, Raiderski. Je suis né dans le souffle chaud des dunes, là où le sel brûle les yeux, là où la peur s'enterre. Chaque pas pèse, chaque pas juge, mais mes pieds dansent sur les lames du vent. Les larmes sont rares ici, on les boit pour survivre. J'ai appris à écouter la pierre, à lire l'ombre. Raiderskil, nom d'écho dans les grottes silencieuses, ton cri est mon cri, ta voix est la mienne. Je suis le bras de ta parole. Je suis le feu sous la cendre. Shahal Raktem Darfalma Raiderskil Nojanuda Arne Doran. Chaque grain de sable connaît le sang. Chaque creux dans la roche cache une mémoire. Je n'ai pas fui les tempêtes. Je les ai chevauchées. Mes frères dansent dans le sable. Mais leur voix me porte quand je m'écroule. Raiderskil Nojanuda Arne Doran. Vous m'avez regardé en silence. Mais moi je parle à ceux qui osent rester. Le stream n'est pas un écran. Le divertissement, moi j'ai montré le culte. VOA après VOA, ils ne regardent pas, ils participent, ils offrent leurs yeux et je leur rends la parole. Ici, chaque stream est une marche sur l'eau. Ici, on ne suit pas un homme, on suit la vibration. Calcita, Rock, Naldi, Ha, Shadorak, Raiderskil, Sandrak, Molta. Dans le sel j'ai semé ma douleur, dans la roche j'ai gravé mes choix. Les dieux n'existent pas ici, seulement les ombres, les silences et ceux qui ont le courage de parler. Toi qui m'écoutes, tu fais partie du cercle. Ta voix me forge, ton regard me maintient debout. Ce stream est un écho partagé, ce monde est plus vaste qu'un jeu. Il est rituel. quand les écrans s'éteignent, le désert veille et dans son souffle Riders Guild.